Charlie Hunter, Léon Parker. Voilà, un vrai petit diamant cette guitare dans la ligne totale du bluesman. Bah oui, pour commencer, ça nous met tranquillement sur la voie du jazz. C'est clair, et pour partir gentiment en Afrique, toujours croiser les couleurs, hein, on ne peut pas changer une équipe qui gagne. Donc on va partir avec Ephrem, qui est un Nigérian, dans la lignée totale de Monsieur Fela Kuti, parce qu'ils ont grandi ensemble. En fait, Ephrem, c'est vraiment son petit frère, en gros, à 3 ans d'écart. Et Monsieur Fela Kuti qui nous a hélas quitté, mais la musique continue avec son fils qu'on avait déjà passé, n'est-ce pas? Ouais, avec Femi Kuti, avec Lagbaja aussi, qui tourne pas mal sur l'Afrique, sur le Nigeria. Carrément. Et on espère, Ephrem, la voir bientôt dans les studios. Ouais, qui va venir bientôt. Bon, donc vu que la semaine prochaine, là, décembre, ça va être rempli de monde, je pense que ça va être dans le début janvier. Ouais. Et on va se faire un grand plaisir de recevoir... cet artiste-là, c'est clair. Et ben on va commencer avec le morceau Confusion. Confusion, yes. Et puis après, on s'écoutera la reprise de Monsieur Fela, justement. Voilà. Zombie. Zombie. Le zombie Ephrem, quoi. Yes. Donc c'est parti avec Confusion. Confusion, yes. Thank you. Yes, voilà, c'était Mister Ephrem avec Confusion. Confusion. Complètement dans la lignée de l'afrobeat. Hein. Voilà, et on va y rester. Et ouais, avec la reprise de Monsieur Fela Kuti. Voilà, Zombie, que tout le monde a plus ou moins entendu, quoi. Et pour les premiers, dans ces cas-là, ce sera l'écouter, le découvrir, dans ces cas-là. Et le redécouvrir. Yes. C'est parti, on est là pour ça. Couleurs croisées, on est ensemble jusqu'à 23h. Avec grand plaisir. Yes, Zombie. Limite disco, la petite ouais, batterie carrément, ouais. En plus, ouais. La version disco, il a trippé carrément. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire justement. Yes, I. Et donc, on va passer à des choses que, qui dans les années 90, quand même, ont beaucoup marqué. Ouais, surtout aux États-Unis, puis c'est arrivé quand même en Europe. Ouais, et puis ça nous a donné une très grande voix du pop soul. Hein. Carrément, et puis avec les petits bisbis qu'ils ont fait avec les Marley, la famille Marley, forcément, ouais, c'est un peu la même famille. Ça rapproche. On parle des Fugees. On parle forcément. Des Fugees, on parle de Wycliffe Jean, on parle de Lauryn Hill, forcément. Exact. Et ils ont donné du bon, quoi, en fait. Ils ont donné du bon, ils ont donné notamment Nappy Head. Exactement. Avec un remix. Exactement. En fait, exactement, le remix, c'est le remix de, de Mad Spider. Et c'est assez bon. Et on va vous passer ça. Bon, on va se faire plaisir. Alors, on va se faire deux Fugees pour le prix d'un. Ouais. On pourra peut-être même s'en faire trois jusqu'à 23h. Parce qu'on vous le répète, qu'on a beaucoup de rediffs ce soir. Voilà, donc, voilà tout on simplement. Va faire écouter les bons artistes en bloc. Et yes. Là, justement, cette petite version, c'est un remix. Donc, pour tous ceux qui connaissaient la version originale, elle est légèrement différente et elle est bonne en plus. Le Mad Spider Mix avec Nappy Heads. Yes. Babylon, tell me why the alien rebel. Nigga gonna tell for 1994, Mad Spider come for second score. Watch this, picking up the translator, crown the Fugees in the meantime. Oh Lord, have mercy. Hey. Babylon a rebel, tell them go to welcome 1994. All the bigger gonna tell all of them a play God. With them lights of fire, I'm a my nigga down around, we kick up storm. And I'll be a youth from down in the project. Every time I walk the road, I feel some disrespect. I wear my head nappy, I'm a close soggy. Every time I walk the road, officer harass me. You and I know to get a running red hat. A time like this, you got to be stopped. You should never leave on without a weapon. You just might have to make a decision. That's your one and only protection. Living in an unprotected nation. So Mr. Officer, why you terrorize me with my nine, Mr. Officer? Why can't I keep you by my side, Mr. Officer? I was terrorize me with my nine, Mr. Officer. Tell me why the hell you take it mine, Babylon a rebel. Tell them go to welcome 1994. Are they big are gonna tell all of them a play God? With them blessing fire, I'm on my head. Legal gun around, picking up stand. Babylon a rebel. Tell them go to welcome 1994. Are they big are gonna tell all of them a play God? With them blessing fire, I'm on my head. Legal, legal. And who the hell you think you are? Trying to stop me from us, my SLR. Cause if you do, you just might pick up a bullet star. From dusk till dawn, on and on and on, back to early morn. So ring the alarm, before the body in the form, another one just die. Watch ya! I am not a terrorist, I am not a gunman. I only use my weapon for protection. Would never ever take the life of an innocent one. Cause if I commit such a thing, would be totally wrong. Taking a bite out of crime, this is what should be done. First of all, burn the bandits from the television. Manufacture, distribute, confess the nation. I know you wanna tell me, blame it on musician. Mr. Officer, why can I walk with my nine, Mr. Officer? Never leave home without this nine, Mr. Officer. Tell me why the hell you're taking mine, Mr. Officer. Can I keep my gun by my side? Babylon a rebel. Tell them go to welcome 1994. How they think I'm gonna tell all of them I play God? With them less for your arm, but my illegal gun around, picking up some Babylon a rebel. Tell them go to welcome 1994. How they think I'm gonna tell all of them I play God? With them less for your arm, but my illegal, legal. Me yalla enough to conspect to all the gunman. On a ramp, it pulls up with illegal weapon. And gun farm, I fit on your fan dog. Make them name me, jump on the body bag. Coming him here and them coming him there. Rumor they spreading over the atmosphere. Whether you like it or not, the bad boy I run town. So stop coming him to call Paul Brown. Cause I never leave home without a weapon. Are you sick to make my decision? It's my one and only protection. Living in a non-protected nation. Mister, never leave home without my weapon. Are you sick to make my decision? It's my one and only protection, living in an unprotected nation. So, Mr. Officer, are you terrorizing me with my nine, Mr. Officer? Why can't I keep it by my side, Mr. Officer? Never leave home without this sign. So, tell me what the hell, officer, you're taking mine. Babylon a rebel. Tell them go to welcome 1994. And the bigger gonna tell all of them a play God. With them lights of fire, I'm for my ear. Legal gun around, picking up storm. Babylon a rebel. Tell them go to welcome 1994. And the bigger gonna tell all of them a play God. With them lights of fire, I'm for my ear. Legal, legal. Me tell them I'm just an happy yet you. Yes, Yes, c'était donc une reprise des Fugees par Mr. Mad Spider. Mad Spider, pas mal, bien raga, hein, bonne voix. Ouais. Franchement, c'est pour ça, quoi, tu vois, là, il y a du bon, quoi, dans les remixes. Et justement, on va se réécouter un petit remix encore de Salam, cette fois-ci. Salam, comment ça s'appelle ? Salam. Voilà. Et c'est Vocab. Vocabe. Okay. Et c'est un super, super bon titre pour tous ceux qui le connaissaient. En tout cas, bah, si tu le connaissais pas, bah, écoute Couleur Croisée. Voilà, on est ensemble jusqu'à 23h. On se fait plaisir. Double Fugees. Et c'est parti avec Vocabs. Yeah. Salam's remix, bien sûr. To be my CeeLo, and when I rest my head is on a pillow. Biddy biddy biddy bee biddy bee bo. You see the skills I manifest is very thorough. And if you don't believe me, ask for a Jaco. Huh? Oh, for a Jaco. Oh, for a Jaco. Oh, don't me boo. Oh, don't me boo. Say Abba Father, who art the heaven? Forgive the foolish rap before you not know how foot you be stepping. Correcting, stop the captain. Enough respect to the DJ that be selecting the type of record. Watch out now. When I choose to speak, I'm forming the cipher like peace to the 5%. Knowledge is born to all beginners. Cast the first stone if you feel you ain't a sinner. At the eighth stage, Vocab. Vocab, tout simplement. Ouais. C'était la reprise des Fugees qui était Vocab. Qui était par Salams Remix. Voilà. Et on va se passer un petit peu de Roots là maintenant. Ouais, on va faire une petite pause Roots avec les Abyssinians. Passer une petite pause, tu fais ce que tu veux pour ouais, enfin... Roots. Hein. C'est vrai. C'est Roots en tout cas. Au passage, justement, ils seront en concert le 31 janvier. Yes. À la salle du Plan, à Ris-Orangis. C'est à ne pas rater, surtout en province. Et c'est à combien? Avec Dillinger en première partie. Enfin, si on peut appeler ça une première partie. Hein. Donc c'est tout un concert quand même. Ouais, voilà. Le prix, je ne les ai pas. Ça doit être entre 10 et 12, 13 euros hein, généralement au Plan. Ouais, voilà. Ris-Orangis. C'est plutôt accessible, abordable. Voilà. Et puis là, on va partir, on va s'écouter le morceau Hey You. Yes, des Abyssinians. Voilà. Et puis on se fera plaisir peut-être avec un deuxième Abyssinians. On verra ça dans la soirée, tranquille. Carrément. C'est parti alors, The Abyssinians. Vous êtes sur Couleur Croisée. Yeah. Hey yo! Voilà, c'était les Abyssinians, des anciens du reggae, du bon roots. Ceux qui sont encore présents, qui sont encore en tournée. Et qu'on vous conseille d'aller voir surtout. Ouais, carrément. Donc t'avais donné la date aux gens au mois de janvier. Voilà, fin janvier, 31 janvier. Et c'est. Au plan Henri Soringis, yes. Voilà, ce sera de la boulette, allez-y. Ouais, carrément. Et là, on va partir du côté du Cap Vert. Yes. On ne fait pas beaucoup de détours, justement. On va en profiter ici pendant Couleur Croisée. Carrément. Donc, musique du Cap Vert, un mélange entre Brésil et Afrique. Yes. Voilà. On a extrait ça de la compile Fall of Africa. Yes. Et donc, c'est parti. Au croisé du Portugal et de l'Afrique, c'est le Cap Vert. Et c'est Palop Africa. Thank you. Couleur croisée, on était du côté du Cap Vert. Alegria, ouais, donc yes. Un petit peu entre le Brésil, entre la samba et les musiques africaines. Voilà. Magnifique. Exactement. En tout cas. Ouais, un petit morceau. Et on va se faire du gros plaisir là, parce que dans Couleur croisée, on vous a fait écouter et découvrir beaucoup, beaucoup d'artistes, mais là, ça va être encore une découverte. Et, quelle découverte ? Jacky Terrasson, qui est un pianiste. On va vous le faire découvrir sur son album Jacky Terrasson à Paris. Parce qu'il est à Paris, comme par hasard. Et surtout, il est à Paris avec des pointures. On vous avait fait écouter en tout début d'émission Charlie Hunter et Leon Parker. Là, justement, sur cet album-là, Leon Parker, on le retrouve aux drums. Ah ouais, on a la guitare quand même de la grosse pointure, c'est-à-dire Monsieur Birelli Lagraine, quoi. Ouais, dans le genre manouche et guitare, on a dit, il n'y a pas mieux. Ouais. Et Stefano Di Battista au saxophone, c'est-à-dire une formation qui est un petit peu, en ce moment, ça vaut de l'or. Quoi, ouais, voilà, c'est clair. Ouais, on va s'écouter ça gentiment. Et en plus, il aime Paris. Ouais, carrément. Voilà. Bah, il aime Paris, tu sais quand ? The springer time. Il a bien raison. Yes. C'est le temps des amoureux. So I love Paris in the springer time. Jacky Terrasson. quitter à son. Yes, bon petit morceau de jazz. Voilà ce que nous donne le jazz, ouais, actuellement en fait. Hein. C'est le jazz français réellement, mm-hmm. et en plein dans l'actualité. Ce qui fait qu'on va pas pouvoir s'empêcher de s'en écouter une autre. Et ouais, forcément. Et là, on va se faire mal avec Jeux Interdits. Ouais, qui est un bon gros morceau qui va aller à 200 km/h. Et à la limite, ceux qui retrouvent le thème initial Jeux Interdits, bah, je leur donne ma dread. Et bah, vous pouvez nous appeler en tout cas. Hein. On vous rappelle le numéro en tout cas si vous avez un petit message à nous passer. 01 39 16 86 47. Et on pour tous les messages que vous voulez nous laisser, réécouter, quoi que ce soit. Ouais. Vous nous écrivez. On vous rappelle l'adresse www.yvelineradio.com et l'adresse couleurcroisée@hotmail.com. On vous rappelle qu'il reste décédé d'Azim à gagner, groupe sénégalais. Yes. Et puis tant qu'on est dans les rappels, soyez présents mardi prochain pour soirée malgache avec Fenouambi et Monsieur Zauzau. Voilà, ce sera pas raté, ça, c'est clair. Yes. Et là, on va s'écouter donc Jeux Interdits. On continue avec Jackie Terrasson et sa petite bande de bons instrumentistes autour de lui. Ok, c'est parti. le pianiste Jackie Terrasson. Voilà, sur son album Jackie Terrasson à Paris, avec Stefano Di Battista au saxophone, Biri Lilagren à la guitare et Leon Parker au drums. Rien excellent que ça. Album. Ouais, c'est clair. Donc à se procurer si possible. Forcément. Yes. À défaut d'avoir un agenda ce soir, eh ben on va se passer forcément Funkadelic, ce qui vous donnera envie de bouger. Voilà. Ce week-end. Sinon, on vous conseille d'acheter, de prendre le Lilo dans tous les rades où vous pouvez aller. Et puis, bah, sinon, vous tapez sur Internet et puis il y a toujours des sites pour bouger. Toujours des sites pour bouger. Faut pas compter que sur Couleurs Croisées pour bouger, mais bon, la semaine prochaine, on vous rebalance un agenda. Y a bien pas sûr, de problème. Ce n'est qu'une petite panne. Allez. Alors, c'est parti avec Funkadelic. On bouge un peu. Yeah. We'll be right back. Voilà, 22h sur Yveline Radio, on était avec Funkadelic. Yes, et on va repas, on va rester un peu dans le dans le funk. Ouais, exactement. Avec Papy Maceo. Papy Maceo, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Ouais. Ah ouais, yes. Et ben c'est parti, monsieur Papy. Don't be alone. Kindergarten, PS40 on Summer Street. First grade down south to a mellower beat. Mad words on wax, praising what the ghetto's about, but not enough praising those getting out. Fourth grade, more AIDS field days and field trips. Sixth grade band started noticing hips. Today I'm thanking God Papa took me aside, teaching me about life in the rides. And let me tell you about the good and tell you about the bad. And show you what we got, but tell you what we have. And tell you about the clubs and tell you about the thugs. Teaching not to hate by showing you much love. And tell you about honor and defending yourself. And don't cheat your neighbor, but make the long people. See, I've been all around this great big world. So especially let me tell you about them girls. Let me tell you about them girls. Let me tell you about them girls. Let me tell you about them girls. Let me tell you about them girls. Let me tell you. The things that I be going through, and he be knowing about the things I do when I grow up. So make a note, I'm quoting quotes, this new goat, complimenting doggy for his gift to gab, the same as they do in jazz, but I digress. My mom made a request, her intentions were good, for her kids only the best, leaving the nest, beginning your quest, down 70 West, get lots of rest, boy your mama knows best, and let me tell you about the good, tell you about the bad, and show you what we got, but tell you what we had, and tell you about the clubs, and tell you about the thugs, and teach you not to hate by showing you much love. And tell you about honor and defending yourself. And don't cheat your neighbor, but make the law do this. I've been all around this great big world. So especially let me tell you about them girls. Let me tell you about them girls. Let me tell you about them girls. Let me tell you about them girls. Let me tell you about them girls. Let me tell you. Biz Mom would handle like Carmella Soprano, and reunions were hot. Riffs that my pop would drop. And if I was in stitches, they would sure fulfill all my wishes. Got too big for my britches, Mom would handle business with switches. The P-Fam household, where the rods were riches. And my Uncle T.T., he would fix all the glitches. Now I understand and see what was said to me. No pretending, the world is full of all types of women. You will see. Let me tell you about them girls. Let me tell you. Maceo. Voilà, c'était le rappeur, saxophoniste, funkman, Maceo Parker. Ouais, bien groovy, hein, ce morceau. Ouais, c'est clair. On se rend compte quand même que c'est, ouais, c'est la base du rap. Hein. Ouais, on claque des doigts et on balance les vibes. C'est bon, ça. Yes. C'est excellent. Et on reste sur du bon, forcément. On va sur du bon, du plus ancien, du voilà, plus rock. Années 70, c'est rock, ouais, ouais, mais franchement, si c'est pas se faire plaisir que d'écouter Led Zeppelin. Led Zeppelin, en 1973, sur l'album House of the Holy. Yes. Donc l'un de ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Et là, on va s'écouter The Song Remains the Same. Yes. Forcément. L'une de celles qu'on peut adorer. Alors j'espère que ce sera votre cas aussi. Mais c'est parti alors. Yeah. Led Zepp. We'll be right back. Yes. The song remains the same. Voilà, Led Zeppelin. Rien de plus à ajouter, je pense. Hein. Rien de plus à ajouter, à part peut-être un autre titre. Juste l'envie de s'écouter un autre titre, justement. Parce que tout simplement, les bonnes choses, ça s'écoute pas qu'une seule fois, alors on va se faire plaisir. No Quarter. Voilà. Toujours sur le même album. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Thank you. side by side with them. Devil mops their every stair. Snow drives by the foot that's slow. The dogs of doom are howling more. Oh, they carry news that must get through. Led Zeppelin. Voilà, avec No Quarter. C'était la petite phase Led Zeppelin, on pouvait pas s'arrêter à une seule, donc ça fait donc du voilà. bien. Ça fait du bien aussi, bien sûr. C'est clair. On veut faire une petite pause, genre pause Zion, non, genre, quand même, encore. On vole, on fly. Ah, c'est presque ça, hein. Couleurs yes. croisées, tableau musical, on vous le rappelle, on mélange les couleurs. Le métissage des couleurs, ouais. Voilà, exactement. De toute façon, c'est l'avenir, le métissage. Hein. Tous ceux qui l'avaient pas encore compris, je leur annonce. C'est pour ça, on a pris le pari là-dessus, hein. On a pris le bon pari. No communautarisme, obligé. Donc, yes. On va se faire un petit Abyssinian, gentiment. Un petit Abyssinian, voilà, allez. Qui sont toujours en concert, voilà. Ils ont pas changé, ouais, toujours, hein. Fin janvier, à la salle du plan, Henri Sorangis, donc voilà. Nickel. À pas louper, mais on en reparlera d'ici là, on aura le temps. Et là, on va s'écouter. This land is for everyone. Yes. Bah justement, un message. Message, comme d'habitude, alors ceux qui voilà. voudront bien le prendre. Donc, prenez-le. Ouais, voilà. T'arrêtes ta guerre maintenant, non ? Arrête tes conneries, toi. Dégage, Babylone. This land is for everyone, the black, the white, the yellow man. This land belongs to every man. The father gave it to mankind. So let us all unite. This land, I know this land is for everyone. This land. The Abyssinians. Voilà, cette terre est pour tout le monde et celui qui touche à la terre de tout le monde. Voilà. Là, tout simplement. Pas, et ouais. C'est pas alors, bien. Donc, message. On va se mettre un petit truc français en fait. Maintenant, on va passer toujours dans des découvertes et je pense que ça va être une découverte pour pas mal de monde finalement. Ouais, un peu dans le même délire de ce qu'on vous a déjà passé, enfin dans le même style musical en tout cas. Ouais, dans électro. Le métissage électro-jazz. Et en ouais. fait, justement, bah, là, dans la formation qu'on a en fait, on avait un des membres de No Jazz en fait, Guillaume Poncelet. Et ouais, No Jazz qu'on vous conseille voilà. hein, sur scène. Qui est exactement excellent. La même chose quoi, c'est des scratchs en fait, enfin, ce sont des platines et des instrumentistes et qui métissent les deux styles quoi totalement et ça fait un bon truc. Voilà, avec Julien Biraud notamment dans le groupe. Voilà, là c'est Wise, ouais, tout à fait exactement. Ouais, Robin Knott et donc le projet Wise qu'on va s'écouter. Voilà, avec le titre Insights. Et vous allez voir, ça donne de bonnes routes à développer pour la musique électro et jazz quoi. Allez, prenons le chemin alors, c'est parti. Insights. It's like these dreams that I got, that I wake up, it's too much. It's like a thick crust to cover my loss. I feel like a jaws that I wake up and boss, that's not smart. Cause bitless with scars while I breathe tall. Travel further than far in my Marshall Jaguar. When the ink splashes on the paper, it's like a slaughter in a skyscraper. Darth Vader, space invading, dirty savior, jumping Bettys. Prepping machetes, slapping teddies, western spaghettis. It's getting hectic, but narcoleptic, detective, without the antiseptic. It all ends with the final credit. Yeah, I said it, so for sure we rep it. Come get it, if you really want it, greed and money, money, fizz of honey, honey, weed and Remy, Remy, or lop it out a penny, penny. It's still plenty, plenty. Yeah, I know many, many that put it down like this and never miss, yeah. We'll be right back. Gonna have to make it till our last shakes with the same trace. I see the patterns reshape as they close in. They'll look a whole lot different from what they did before. It's all optics, the kind of narcotics. That's the blueprint of my soul. Smooth random rays of glow, slow-mo. Disposition at the speed of light. Flashes of insight in the deepest night. By myself, looking for the prey, being in the strike. I guess it's just my way, fiending the fight. Voilà, donc c'était le trio Wise, à la base un trio, et puis on a eu la douce visite du trompettiste Flavio Boltro. Ouais. Et ça c'est énorme, ça ressemble beaucoup à Eric Truffa comme on pouvait se dire. Exactement, électro-jazz voilà, à fond. Avec la voix du gars qui vient chanter, qui est Wolf en fait, hein, qui ressemble à Naya qui était justement chez Eric Truffa, mais donc ça doit peut-être être le même gars quoi. Donc On va se faire plaisir justement, voilà. Encore une fois, on est là pour ça, hein. On est là pour vous faire plaisir, donc on espère que vous appréciez, il est 22h30. Si on leur fait plaisir, ça nous fait plaisir, donc c'est forcément, limite, la question se pose même pas, ouais, c'est clair. C'est un échange de ouf quoi. C'est clair, et le morceau s'appelle Eleven Part 2. Voilà, donc toujours Wise et toujours cette espèce de petite ambiance très très sweet, on vous fait réécouter ça. Thank you. Wise. Wise avec Eleven Part 2. Voilà, c'est vraiment quelque chose à se procurer le plus vite possible et ouais. C'est une super ambiance. On vous fera écouter ça de nouveau, je pense, sur Couleur Croisée avec voilà. Grand plaisir. Et pour ceux qui veulent l'album, hein, l'album s'appelle Electrologie. Yes. Donc on va changer de couleur un petit peu, mine de rien, toujours. Couleur. Ah, on change de couleur croisée. Oh, putain, c'est incroyable. C'est donc le thème de l'émission. Mais c'est quoi cette émission? Ils arrêtent pas de changer de style comme ça. C'est incroyable. Ils métissent les musiques, ils font des. C'est un truc de fou ça. Moi j'aime bien, remarque. Moi aussi, hein. Parce que là en plus, le métissage. Ouais, le métissage, genre, tu sais, tu prends. Un peu les extrêmes, on pourrait dire. Du classique et l'Afrique, quoi. Ouais, tu vois. Genre Bach avec des Africains. Allez, style, ça existe. Si, je vous assure. Non, moi. Si. Je te crois pas. Non. Ah si, ça s'appelle Lambarena. Lambarena. Ça s'appelle Back to Africa. Est-ce que le morceau s'appellerait Sankandra? Exactement, ouais. Ah ouais. Et donc Back to Africa, c'est pas Back revenir, mais c'est bien comme jeu de mots, c'est comme revenir JS, en quoi. Afrique. C'est mais bien voilà. JS. Ouais. C'est BACH, hein, BACH, pardon. C'est bien le compositeur. Ah, c'est Jean-Seb. Voilà, Jean-Seb. Ah, notre ami Jean-Seb. Notre ami Jean-Seb. Est-ce que tu vas oser le dire en allemand, le titre? Johann Sebastian Bach, et je te laisse le titre. Ah ouais, le titre, c'est moi qui l'ai. Vas-y. Ah bah ouais, alors c'est à moi de le dire. Lasset uns den nicht Zartailein. Voilà, c'était un morceau composé par Bach et c'est vrai entièrement et qui va être repris là en version africaine. Et c'est vraiment tout à fait ça, c'est tous les morceaux de Bach repris à des voix africaines, avec des instruments africains et c'est magnifique. Donc nous on préfère Sankanda. Lambarena. Voilà. C'est super original quand même. On se rend compte que c'est universel la musique, non ? Ah, c'est énorme, c'est énorme. C'est une rencontre qui a été organisée par Albert Schweitzer. Yes. On va pas vous citer la liste de tous les musiciens parce que parce qu'ils sont une cinquantaine quoi, en comptant c'est les choristes. C'est tout un orchestre, voilà. Hein, c'est clair. Forcément. Et donc, donc voilà, Lambarena. Voilà, à se procurer. On en repassera. Avec plaisir. On en repassera. On va rester en Afrique avec du roots en tout cas. Ouais. Carrément. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Et puis, c'est pour finir les 20 petites dernières minutes. On va vous faire écouter de bonnes choses encore. Yes, donc c'est parti. Couleurs croisées, on est ensemble voilà, jusqu'à 23h. Voilà, Marcus Miller et Ethiopia. Voilà, c'était Ethiopia, Marcus Miller. Yes, Marcus Miller. Voilà, on va rester dans la couleur africaine en vous rappelant surtout que Madagascar, c'est à côté de l'Afrique, n'est-ce voilà, pas ? Voilà, et que ça nous rejoint, Madagascar nous rejoint mardi prochain. Voilà, donc, on va prendre le soleil. En direct, on sera en live, et, comme ce soir. Avec deux artistes qu'il ne faut surtout pas manquer. Hein. Ouais, Fenou Ambi et Zebzeb, voilà, qui nous font le plaisir et l'honneur vraiment de venir pour cette émission parce que... Parce que c'est rare de les avoir et donc voilà. On sera content de les avoir tous les deux en plus. On vous les fera découvrir et on essaiera, ils essaieront aussi de vous faire découvrir un petit peu ce qui les a bercés, quoi. Carrément. Gentiment. Carrément. Et nous, ce qui nous berce en tout cas, ouais, en attendant, voilà, exactement, c'est Léon Parker. Ouais, carrément, vous avez fait écouter ça au début, là c'était un petit peu jazzy. Là, on va rentrer dans les couleurs, justement, des congas de Léon Parker. Ouais, afro-salsa, ouais. Carrément, afro-salsa, ouais. Et puis jazzy, hein, vraiment, ouais. Avec la guitare de Charlie Hunter. Charlie Hunter, yes. On va se faire un doux plaisir pour finir. C'est parti, alors. Thank you. Léon Parker. Et Charlie Hunter. Yes. En plein croisement entre le jazz et la bossa, salsa. Ouais, ouais, vraiment, vraiment très très bon. Et on va encore juste le temps d'un morceau pour se dire au revoir. Bah oui, gentiment. Et puis aussi, bah, vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et sans vous, bah, on ne serait pas là. Alors merci de nous avoir suivis ce soir encore et tous les mardis soirs. Voilà, on se donne rendez-vous mardi prochain avec une émission donc, entre guillemets, un spécial Madagascar. Qu'on voilà. recevra deux artistes malgaches qui nous font plaisir de se réunir en plus ensemble. Pendant deux heures. Ouais. Merci, merci. Merci à Mu aussi, sans laquelle cette émission ne serait pas réalisable. Merci pour toute cette musique qui vous a fait du bien, on l'espère. Et ça continuera de semaine en semaine. Yes. Donc on va se quitter avec Hadouk Trio. Voilà. Un petit trio avec... Oh, on en reparlera la prochaine fois. Je pense qu'on aura l'occasion ouais. de vous le faire réécouter. Ouais, bien sûr. Ça, c'est magnifique. Et on vous rappelle le site internet hein, www.yvelineradio.com et l'adresse couleurcroisée@hotmail.com. Voilà. En espérant que vous passiez une bonne soirée, rentrez bien et passez une bonne nuit sur Yvelines voilà. Radio. Bonne fin de semaine, à la semaine prochaine et puis coucou Ophélie. Voilà. Ciao, ciao. Yeah. On n'arrive plus à partir, ça y est. Non, moi je reste là en fait. Finalement, si ça vous dérange pas qu'on reste jusqu'à minuit, bah moi je vous m'invitez puis on voilà. se fait un petit on truc. On se dit pourquoi pas. Ouais, pourquoi ouais. pas. Écoutez, on peut vous raconter une histoire, l'histoire de Couleurs Croisées, mais bon, je pense qu'il vaut mieux partir avec Hadouk Trio. Voilà, ce sera plus sympathique. Enfin, j'ai du mal à vous quitter quand même, je vous adore. Ciao, à la ciao. Prochaine. Bonne nuit. Yes. Thank you.